Deux ans après les premiers cas de Covid-19 en France, l'origine de la pandémie reste une énigme et l'enquête conduite par les experts de l'OMS piétine. Une enquête menée par Vanity Fair et relayée cette semaine dans Le Monde rouvre ce dossier brûlant. Sans apporter de certitude sur le caractère naturel ou accidentel de cette pandémie, il a le mérite de nous remettre face à cette question. Pourra-t-on un jour connaître l'origine du SARS-CoV-2 ? C'est la question qui animera notre débat du jour. Au menu de ce vendredi actualité, nous parlerons également de l'origine de nos paysages sonores, d'une autopsie de Pharaon et du mystère des tout petits bras du T-Rex. Origine du Covid-19, autopsie de Pharaon, paysage sonore et bras de T-Rex, c'est la série d'enquêtes que nous allons mener dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder tous ces sujets, nous sommes accompagnés de la crème des enquêtrices et des enquêteurs scientifiques. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Vous êtes directrice de la rédaction du magazine Pour la Science. Bonjour Marion Montaigne. Marion Montaigne, nous entendez-vous ? Marion Montaigne. Bon, on retrouvera Marion Montaigne tout à l'heure. Et bonjour Olivier Lascar. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir. Avant de démarrer notre émission, une petite annonce. Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès de notre consoeur Azar Kaladbari. Physicienne de formation, passée par le magazine Sciences et Vie Junior et Ciel et Espace, Azar était la chef du service fondamental et sciences de la Terre au magazine Sciences et Avenir. En 2019, elle avait reçu le prix Jean Perrin de la Société française de physique pour l'ensemble de ses travaux journalistiques dédiés à la popularisation de la science. Azar nous avait fait le plaisir et l'honneur de participer à plusieurs reprises à l'émission. Avec toute l'équipe de la méthode scientifique, nous envoyons donc toutes nos pensées les plus affectueuses à sa famille et à ses proches. On gardera de nos rencontres avec Azar Kaladbari le souvenir de son exigence intellectuelle, de l'aisance élégante avec laquelle elle rendait accessibles des savoirs complexes et de sa défense passionnée de l'universalité des sciences. On se souviendra aussi de son sourire qui illuminait chaque endroit où on la rencontrait. Mais maintenant, on va revenir à l'actualité. Et avant d'entamer notre tour de table, il est l'heure de faire un tour d'horizon de l'actualité scientifique de la semaine. C'est à vous, avec vous, Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Science. C'est une découverte. Les neurones du cerveau sont sensibles au microbiote intestinal. Oui, notre microbiote, riche de 100 000 milliards de bactéries, dialogue directement avec nos neurones. C'est ce que viennent de prouver pour la première fois les équipes de l'INSERM et de l'Institut Pasteur. Dans le cerveau, la reconnaissance des microbes est essentiellement faite par le système immunitaire. Il existe un récepteur à bactéries, le récepteur NOD2, que l'on trouve par exemple dans les macrophages, qui peuvent manger les bactéries. Mais dans des cerveaux de souris, les chercheurs ont été très étonnés de découvrir qu'il y a des neurones qui expriment NOD2, des neurones de l'hypothalamus qui sont régulés par les bactéries. C'est une découverte importante aux nombreuses perspectives thérapeutiques, notamment contre le diabète ou l'obésité. Gérard Hébel est chercheur à l'Institut Pasteur où il dirige une unité de recherche micro-environnement et immunité. Il est le co-auteur de cette étude. On a travaillé sur des souris, entre guillemets vertes, des souris qui permettent de voir le ver, c'est-à-dire l'expression de ce sensorobactérie dans le cerveau. Et c'est là qu'on a vu dans le cerveau des neurones qui étaient vertes. Et donc la méthode consistait à imager les parties du cerveau qui sont vertes et ensuite de comprendre comment les bactéries de l'intestin, comment les morceaux de bactéries vont de l'intestin jusqu'au cerveau en utilisant des morceaux de bactéries très faiblement radioactifs qui permettent de les suivre. Et puis ensuite d'utiliser une autre méthode où il s'agit d'enlever ce sensorobactérie, ce récepteur dans les neurones, en utilisant des petits virus que l'on peut injecter directement dans les parties du cerveau, et de montrer ensuite comment les souris vont réagir à ce manque de capacité à reconnaître les bactéries. Ce qu'on a observé chez les souris, c'est qu'il y a des neurones dans différentes régions du cerveau qui expriment ce récepteur, NOD2. Nous, on s'intéressait d'abord à une région qui s'appelle l'hypothalamus. Alors l'hypothalamus, c'est une région qui est au bas du cerveau, qui est importante dans la régulation de la prise alimentaire, dans la régulation aussi de la température corporelle, et différentes fonctions physiologiques comme celle-ci. Et puis donc, on a remarqué que lorsque les neurones sentent ces morceaux de microbes, eh bien leur activité est éteinte. Et ce sont des neurones qui contrôlent la prise alimentaire. Donc, lorsque les neurones ne peuvent plus sentir les morceaux de bactéries, eh bien, la souris ne contrôle plus sa prise alimentaire et mange trop, et à terme devient obèse. Il y a plusieurs niveaux d'application. Une première, c'est un niveau d'application plus ou moins direct. Lorsqu'on montre que les neurones contrôlent la prise alimentaire et que ces mêmes neurones sont régulés par le microbiote, lorsque cette régulation est perdue, eh bien, la souris mange plus. On pensera aux conséquences de l'obésité, comme le diabète de type 2. Donc on peut penser que cette régulation de cette partie du cerveau peut protéger, si on veut, contre le développement de maladies comme le diabète de type 2. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur notre fil Twitter, @lamethodefc. En bref, hier, l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, a fait le bilan de ses découvertes archéologiques sur le chantier de Notre-Dame. Oui, après 9 semaines et demie de fouilles préventives, l'équipe de 5 chercheurs a fait la découverte, dans les sous-sols de la cathédrale, d'un mystérieux mur, d'un jubé polychrome et d'un sarcophage de plomb à 20 mètres de profondeur. Il devrait bientôt être ouvert pour être étudié à l'Institut Médico-Légal de Toulouse. Et après les études, la piste d'une réinhumation de ce corps à Notre-Dame est évoquée. Et justement, nous consacrerons jeudi prochain une émission sur ce chantier de Notre-Dame. Et comme chaque vendredi, nous mettons en avant une étude fraîchement sortie des laboratoires français. Selon une étude parue dans la revue Journal of Experimental Biology, dès qu'ils sont dans l'œuf, les oisillons sont influencés par leur environnement sonore. Oui, on sait que les oisillons, dès la phase embryonnaire, avant l'éclosion, perçoivent beaucoup de choses du monde extérieur et qu'ils peuvent percevoir des sons in ovo. Des chercheurs du CNRS se sont demandé quelle était l'influence de ces sons sur le développement d'un oiseau et sur son comportement. Les chercheurs ont mené une expérience avec un incubateur où ils ont diffusé différents sons à des œufs de caille. Un premier groupe d'œufs a écouté des sons naturels, des cris d'épervier, un prédateur pour les cailles. Un deuxième groupe a écouté des sons artificiels, des bruits métalliques d'origine humaine, de type pollution sonore. Et un troisième groupe, lui, a été élevé en silence. À l'issue de cette expérience, on peut affirmer que les sons anthropiques perturbent le développement social des oiseaux. Sophie Lumineau est enseignante-chercheuse en éthologie à l'Université de Rennes. Elle est l'autrice de cette étude. Une fois que tout ce petit monde a été éclos, on a un certain nombre de tests qu'on a pu faire quand ils étaient plus vieux, plus âgés. Des tests qu'on appelle d'émotivité, de réponse à la perception d'un danger. Et donc on s'est aperçu que ceux qui avaient entendu les sons de cris de prédateurs dans la phase embryonnaire, eh bien, eux, ont réagi plus à la perception d'un danger. C'est-à-dire, ont été plus en posture de peur et plus immobiles, qui est un comportement qu'on dit anti-prédateur, de survie, quand ils ont entendu un bruit. Le deuxième élément qui nous a si étonné, c'est qu'on a testé ensuite leur capacité d'exploration dans des environnements nouveaux ou face à un objet nouveau. Et là, on s'est aperçu que ceux qui avaient entendu ce cri de prédateur, ils étaient beaucoup moins néophobes. Et ça, pour nous, c'est un élément important. Ça veut dire qu'ils vont très facilement s'adapter à un environnement nouveau. Et donc, in fine, mieux trouver leur nourriture et puis s'assurer une meilleure survie. Pour ceux qui ont perçu les bruits métalliques dans l'œuf, il n'y avait pas de différence de comportement petit prédateur après. Ils ont réagi comme ceux qui ont été élevés en silence. Mais par contre, on a vu qu'ils étaient différents au niveau de leur comportement social. Ce sont des animaux qui ont réagi très fortement à la séparation sociale, c'est-à-dire qu'on les sort de leur groupe pendant un temps très court, une dizaine de minutes, et ils crient énormément pour rejoindre leur groupe. On pense que finalement, ça ressemble plus à un stress social important et que ça les empêcherait ensuite d'aller exploiter correctement leur environnement en situation naturelle. Donc là, on a perturbé la mise en place d'un trait de tempérament important et qui est la socialité. Finalement, on sait depuis quelques années maintenant que la pollution sonore dans l'environnement urbain en particulier crée des modifications de comportement chez les oiseaux. Mais là, ça montre aussi que finalement, l'oisillon qui va éclore dans un milieu urbain, eh bien lui, son comportement aussi social va être modifié. On est vraiment dans le son qui va modifier plus tard les interactions sociales. Voilà pour cette étude qui va trouver un écho. Vous allez l'entendre dans l'un des sujets de notre table ronde du jour. Et tout de suite, dans l'actualité scientifique de la semaine, Natacha, et en ultra bref. Cette semaine, selon une étude parue dans la revue Nature, il est possible de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, mais seulement si les États tiennent les promesses qu'ils ont faites lors de la COP26 en matière de neutralité carbone. Cette modélisation montre que nous avons 42% à 52% de probabilité de dépasser 2 degrés d'ici la fin du siècle. Tout va dépendre des actions que nous mettons en œuvre dès aujourd'hui. Cette semaine, les États-Unis ont testé une nouvelle méthode pour lutter contre les insectes nuisibles sans utiliser de pesticides. C'est la technique des insectes stériles. Des drosophiles à ailes tachetées, des mouches qui ruinent les productions de fruits, ont été stérilisées au rayon X puis relâchées. Les femelles qui s'accouplent avec des mâles stériles pondent ensuite beaucoup moins d'œufs. La méthode serait prometteuse pour protéger les cultures fruitières. Et enfin, on pensait que les microscopiques tardigrades étaient trop petits pour parcourir de longues distances, que leurs petites pattes ne pouvaient pas les porter très loin. Cette semaine, on découvre qu'ils peuvent faire de l'autostop à dos d'escargot. En laboratoire, les chercheurs ont découvert que ces extrémophiles utilisent les escargots comme des véhicules pour se déplacer d'un endroit à l'autre, ce qui expliquerait comment de si petits animaux se sont dispersés partout sur la planète. Je sais pas si je choisirais l'escargot comme moyen d'autostop pour parcourir la planète, mais bon, après, c'est à l'échelle d'un tardigrade, ça va sans doute très vite et c'est sans doute énorme. Et comme chaque vendredi, Natacha, on termine par la rubrique de science improbable. Aujourd'hui, une question majeure. Pourquoi l'espèce humaine a-t-elle de si grosses fesses? Et dans le règne animal, nous sommes l'espèce la mieux dotée. En termes de proportions et de rapport corps-fesses, notre postérieur est particulièrement volumineux. Alors, l'Institut d'anatomie humaine aux États-Unis a répondu à cette question que nous sommes nombreuses et nombreux à nous poser. Eh bien, nous pouvons remercier le muscle grand glutéal, anciennement appelé le muscle grand fessier. C'est le muscle le plus sollicité pour la position verticale et pour la marche, et plus un muscle est sollicité, plus il grossit. Si nous sommes une espèce calipige, c'est donc grâce à notre bipédie. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. À lundi. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Un article paru dans Le Monde cette semaine relaye une enquête réalisée par le magazine américain Vanity Fair sur les origines encore inconnues du SARS-CoV-2. Il est question dans cette enquête d'un zoologue britannique financé par les États-Unis qui s'est vu retirer ses financements, de l'Institut de virologie de Wuhan en Chine, d'expériences sur des coronavirus mutants et d'un mystère encore irrésolu, l'origine de cette grande pandémie mondiale. Est-elle naturelle ou bien est-elle accidentelle? Pour nous plonger dans cette enquête et pour reposer les termes d'un débat qui met en tension le consensus scientifique, la géopolitique, mais aussi d'une certaine façon certaines théories du complot les plus basses, écoutez ce montage d'archives qui vous est proposé par Olivier Bétard. C'est une piste que l'on pensait enterrée. Des scientifiques chinois ont-ils accidentellement laissé échapper un coronavirus des laboratoires de Wuhan? Dans une lettre publiée dans la prestigieuse revue Science, une vingtaine de scientifiques appellent à reconsidérer cette option. Si on se fie aux conclusions de ce rapport de l'OMS, ou du moins des conclusions qui ont été publiées dans les médias ces derniers jours, on ne peut pas exclure la possibilité que ce virus ait des origines en dehors des frontières chinoises, notamment parce que ce rapport juge que le mode de transmission du virus par le biais de produits surgelés, de produits surgelés importés, est possible. Pour le moment, le monde scientifique s'accorde pour dire que le virus serait issu du monde animal et probablement de la chauve-souris. Il aurait alors muté avant d'être transmis à l'homme. Pourtant, aucune certitude pour le moment, de quoi conforter les positions de l'administration Trump, d'autant plus que Pékin refuse pour le moment la visite d'experts de l'OMS à Wuhan. Côté chinois, évidemment, on y en bloque. Janvier 2021. Peter Benembarek se filme tout au long de son voyage vers la Chine sur les traces de la maladie qui paralyse le monde. Le scientifique danois et son équipe sont plutôt enthousiastes. Ils sont les premiers experts internationaux que Pékin accepte sur son territoire. Constamment flanqués de leurs confrères chinois qui approuvent chacune de leurs conclusions, des policiers à leur basque. Surtout lors de la visite du centre de virologie de Wuhan, où se trouve le fameux laboratoire P4 où sont étudiés les coronavirus. Difficile pour les experts de l'OMS de lever le brouillard sur les informations que distillent les autorités. Eh ben, les experts internationaux ont travaillé dans les conditions qu'on leur a données. Hein. Les Occidentaux ont dit on voudrait avoir toutes les données pour faire nous le tri. Et ça, ça n'a pas été possible. Donc, ils leur ont donné les données qu'ils voulaient. Quoi. Et c'est des données qui étaient limitées. Voilà pour ce montage d'archives qui repose un petit peu le décor de cette enquête brûlante, Olivier Lascar. On va prendre des précautions quand même immédiatement avec ce sujet qui est un peu chaud. Voilà, il faut comprendre que la recherche scientifique, c'est avant tout du débat, de la discussion. Là, on vient un peu remettre un petit peu de ça dans cette question autour de l'origine du coronavirus. On va pas apporter de réponse aujourd'hui, on n'a pas les éléments à disposition, mais on peut refaire un peu le fil de cette enquête-là et essayer de comprendre un petit peu pourquoi il n'y a pas de consensus scientifique encore autour de cette question-là. Alors c'est d'autant plus troublant que depuis les quelques deux années que dure cette crise, il s'est passé beaucoup de choses. On a avancé à marche forcée sur certains dossiers, comme celui évidemment du vaccin, mais en revanche, sur d'autres questions, on en est toujours au même point. Et la question de savoir d'où vient le SARS-CoV-2, bah c'est ça. On ne sait pas du tout d'où ça vient. Alors, il y a une forte suspicion, effectivement, par rapport aux chauves-souris, qui sont des animaux, qui sont des réservoirs à coronavirus. Il y a 1 millier de coronavirus qui ont été déjà référencés chez ces animaux, mais les spécialistes estiment qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 5 000. En revanche, on n'a pas trouvé pile poil le bon coronavirus dans ces réservoirs. Aussi, on ne peut pas dire que ça vienne directement d'une chauve-souris. Et une des hypothèses les plus communément admises, c'est que le virus est passé par des hôtes, par des animaux, des autres animaux. Et c'est pendant ces passages que la mutation aurait pu s'effectuer. Mais même là, il y a eu le fameux pangolin dont on a beaucoup parlé. Finalement, est innocenté. Voilà, il y a eu aussi la civette palmée, qui est un animal qui est plus facile à googler qu'à décrire. Oui, c'est entre le blaireau et le porc-épic et le putois. C'est assez étonnant comme bestiole. Oui. Et alors, elle fait partie des suspects, mais on peut pas du tout l'affirmer encore aujourd'hui. Là-dessus, Cécile Lestienne, donc j'évoquais en introduction de cette émission cette enquête menée par le magazine américain Vanity Fair, qui n'est pas un magazine scientifique, mais qui est quand même à l'habitude de proposer à ses lectrices et ses lecteurs des enquêtes assez fouillées, vient remettre sur le devant de la scène un chercheur britannique qui s'appelle Peter Daszak. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le contexte de cette enquête? Est-ce que vous avez pu y avoir accès ou pas du tout? Non, c'est un sujet qu'on suit. Pas le sujet de Vanity Fair. Je trouve ça bien que Vanity Fair, qu'un journal très grand public, justement, en parle, parce que ça va toucher un public beaucoup plus large que le public général de nos magazines, qui s'adressent déjà à des gens qui s'intéressent aux sciences, a priori, en tout cas. Donc, je trouve ça très bien. C'est un sujet qu'on suit depuis un moment. On est en train, d'ailleurs, de préparer un article sur le sujet, mais qui n'était pas encore paru. Mais on voit bien, notamment parmi les chercheurs français, des chercheurs comme Étienne de Croliou, Bruno Catard, voilà, soutiennent, pas d'hypothèse, ils posent cette question-là depuis... Oui, ils osent la poser en tant que scientifique, ils la posent de façon scientifique. Donc voilà, et effectivement, l'ancêtre qu'on a repéré chez les chauves-souris du coronavirus actuel, il aurait à peu près une trentaine d'années, et on ne sait pas ce qui s'est passé dans les 30 ans après, donc effectivement, il peut y avoir plusieurs hypothèses possibles. Il a pu passer par une espèce hôte, comme d'autres coronavirus l'ont fait. Hein. Pour le SARS-CoV-1, il est passé par une civette, d'ailleurs, je crois. Voilà. Et puis pour le MERS-CoV, qui est arrivé 10 ans plus tard, essentiellement au Moyen-Orient, je crois qu'il est passé par le dromadaire. Voilà. Donc c'est un processus normal, habituel, voilà, des mutations, du passage en fait d'un espèce à l'autre. Voilà. Ensuite, est-ce que le problème, c'est que pour ce coronavirus-là, on n'a pas trouvé l'espèce hôte. Ça ne veut pas dire qu'on la trouvera jamais, mais pour l'instant, on ne l'a pas trouvé et on a fait quand même pas mal d'études. Voilà. Après, reste l'accident de laboratoire. Je pense que toute cette histoire aussi, enfin, ces précautions autour de cette idée, c'est que on voulait pas alimenter des thèses complotistes un peu too much. Voilà, ce n'est pas un complot des Illuminati. Un complot mondial qui ont fabriqué un virus avec des trucs qui venaient d'extraterrestres. Voilà, bon, c'est c'est certainement pas ça. On sait que ce virus ressemble très très très fortement à un coronavirus de chauve-souris, donc voilà. Mais ça n'exclut pas l'accident de laboratoire. Les différences d'accidents de laboratoire, et c'est ça qu'il faut chercher. Et comme on le sait, le problème c'est qu'on n'a pas toutes les données pour chercher, parce qu'il y a un certain manque de transparence de la part des autorités chinoises. Des trous dans la raquette. Olivier Lascar, donc si on revient à cette enquête-là qui a suscité ce débat et cette discussion aujourd'hui autour de l'origine accidentelle ou naturelle du SARS-CoV-2, il y a ce Britannique Peter Daszak qui dirige une ONG américaine qui s'appelle EcoHealth. Lui, il est zoologue. Les instituts de virologie des États-Unis ont financé certains de ces travaux en partenariat avec l'Institut de virologie de Wuhan. Financements qui ont été interrompus à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'il y avait quelques expérimentations qui étaient réalisées, qui étaient de la manipulation génétique de coronavirus, puisque, on le rappelle, à Wuhan, il y a beaucoup d'instituts de virologie qui étudient les coronavirus. Voilà, plantez-nous un petit peu ce décor de cette enquête-là et pourquoi elle arrive maintenant avec cette espèce d'aspect un peu sulfureux, parce que lui-même, Peter Daszak, a participé ensuite à un article du Lancet qui rejetait en bloc finalement cette idée d'une origine accidentelle en l'arrangeant parmi les théories du complot. Alors il fait partie de ces personnes qui défendent la piste du une seule santé, hein, une seule santé, oui, pour tous les êtres vivants, One Health. Donc c'est pour ça qu'il semble s'être rapproché de ces problématiques animales pour essayer de trouver un grand modèle qui puisse correspondre à tout le monde. Le papier, moi j'ai lu le papier du Monde, qui reprend les éléments de Vanity Fair effectivement. Bon, c'est davantage une somme de circonstances troublantes qui effectivement, quand on les additionne, peuvent aiguillonner, mais il n'y a pas de démonstration qui soit de nature à changer la donne. Sur la forme, c'est vrai que c'est assez intéressant qu'un journal comme Vanity Fair s'intéresse à ça. Et c'est vrai que c'est formidable parce que le désenclavement, ça peut paraître paradoxal de la part de gens comme nous, Cécile et moi qui travaillons dans des journaux dits scientifiques. Mais enfin, on est depuis toujours défenseurs du fait que la science, elle est partout, elle infuse dans tout. Et donc, par définition, elle a vocation à intéresser tout le monde. Donc, qu'un journal comme Vanity Fair s'intéresse à ça, c'est formidable. L'enquête, elle n'est pas très déterminante, à mon sens. Il faut rappeler aussi que de plus en plus, il y a des papiers. Il y a eu un papier assez récemment, je crois, dans Science, qui montre que parmi les premiers malades du coronavirus, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce marché, oui, à animaux de Wuhan, dans le marché Wuhan, proche du laboratoire, et que donc ça plaide encore à nouveau pour la survenue naturelle de cette maladie. Sur l'hypothèse rocambolesque d'un bidouillage de laboratoire, ça c'est vrai que cette hypothèse qui avait été évoqué au début et qui était devenu le cheval de bataille des théoriciens du complot, elle reste toujours aujourd'hui écartée, hein, puisque bidouiller un virus, c'est comme faire un patchwork sur une chemise. Il y a les fils de la couture qui se voient, hein, parce que pour faire ça, il faut procéder avec une certaine technicité scientifique, avec des outils qui sont connus des scientifiques, et les scientifiques savent les traces que ça laisse. Donc aujourd'hui, on les voit pas, ces traces sur le virus. Cécile, la sienne. En fait, la question, c'est pourquoi on se pose cette question-là. En quoi c'est important de savoir si l'origine naturelle de ce coronavirus-là... Oui, après tout, le résultat elle-même. Après tout, voilà, le résultat elle-même. C'est qu'effectivement, ça peut alimenter deux types de réflexions assez différentes. Soit l'origine est naturelle, comme c'est le cas très très souvent. La plupart des maladies infectieuses sont des zoonoses, donc proviennent des animaux. Donc voilà. Et du coup, effectivement, on est plus amené à s'interroger sur la préservation de la biodiversité, sur l'utilisation, enfin l'impact de l'homme dans les grands milieux naturels, et qui va nous mettre de toute façon de plus en plus en contact avec des nouveaux virus, et voilà, et qu'on pourrait tomber malade, enfin comme c'est avec le sida aussi, tout ça, voilà, et c'est plutôt une approche One Health, voilà, auquel il faut réfléchir, voilà. Soit c'est un accident de laboratoire, parce que ça peut quand même l'être, parce que il y a 4 laboratoires, je crois, à Wuhan, hein, qui peuvent travailler sur ce virus. Il y a un laboratoire P4, et voilà. très important. Voilà. Donc justement, il y a un laboratoire P4 pour les auditeurs, ils ne le savent peut-être pas, c'est celui qui a le plus haut niveau de sécurité. Voilà, le plus fort, les autres sont moindres. Il y a déjà eu des accidents de laboratoire, des virus, enfin, qui se sont échappés de différents laboratoires. Donc ça peut arriver que quand on travaille sur les virus, on travaille aussi justement sur leur pathogénicité, c'est-à-dire pourquoi ils deviennent infectieux, comment ils peuvent passer la barrière d'espèces, etc. Donc en travaillant dessus, en faisant des manips, enfin bon voilà. Ce qu'on appelle le gain de fonction, par exemple, voilà. Quand on manipule donc, génétiquement. Voilà, on peut aboutir à des virus plus pathogènes, enfin en tout cas pour nous, s'ils s'échappaient pour des raisons ou une autre. Enfin bon, il y a plein de choses différentes qui sont peut-être passées. Donc voilà. Et alors là, effectivement, il y a toute une réflexion à avoir sur le niveau de sécurité des laboratoires, voilà, et les recherches qu'on y mène. Pas dans l'idée de dire il faut brider la recherche, on arrête tout, voilà, parce que c'est aussi en travaillant sur ces virus qu'on découvre des médicaments, des vaccins, qu'on comprend comment ils fonctionnent, etc. Pas du tout, mais peut-être réfléchir à peut-être encadrer de façon plus éthique certaines des recherches et surtout élever le niveau de sécurité des laboratoires. Donc vous voyez, on part sur deux voies très différentes, mais que, alors là, c'est très personnel comme opinion, qui sont pas forcément contradictoires, parce que on peut travailler sur les deux, à mon avis. Marion Montaigne, vous nous avez rejoint, je crois. Marion Montaigne, êtes-vous là? Bonjour. Bonjour. Donc, je rappelle quand même que pour nos auditrices, nos auditeurs, que vous êtes autrice de BD, du blog de vulgarisation scientifique, Tu mourras moins bête. Vous souhaitiez réagir au propos de... Non, mais alors, oui. Comme vous le disiez, moi, je suis pas chercheuse. Alors, dans ces cas-là, quand j'ai un article comme ça, je contacte un ami virologue et il m'expliquait que c'est là qu'on voit que la science, ça tâtonne, que les gens doivent poser des hypothèses, les vérifier. À un moment, lui aussi, il parlait du pangolin, puis il est revenu dessus. Et en fait, si j'ai bien compris ce qu'il m'expliquait, il me disait que le truc qui pourrait prouver une origine naturelle, c'est de trouver le même virus, enfin, la même séquence chez son hôte naturel. Et que le problème, c'est que même si on le trouve maintenant, une chauve-souris, la difficulté, ça va être prouver qu'il n'est pas repassé par la chauve-souris via l'homme, donc parce que le virus circule. Et donc la vraie solution serait de trouver une séquence de virus chez une chauve-souris dans un prélèvement collecté avant 2019. Et mais il faut pouvoir démontrer qu'elle n'a pas été contaminée depuis. Donc, et à l'opposé, s'il y a une fuite de labo, il faudrait une preuve matérielle, un rapport ou un enregistrement que ce virus a été cultivé dans des cellules de labo et que quelqu'un s'est fait contaminer. Donc c'est les pistes sur lesquelles ils travaillent. Oui, parce que on le rappelle, pour l'instant, le virus le plus proche qui a été identifié, le plus proche du SARS-CoV-2 qui a été identifié chez une chauve-souris, il est identique à 96% au SARS-CoV-2 qu'on trouve chez les humains. Et ça avait été mis en évidence par l'Institut Pasteur fin 2020, donc quasiment un an après le début de la pandémie en Chine. Donc on est proche, mais c'est pas 100% identique. Donc c'est pas satisfaisant. Du coup, l'enquête doit se poursuivre, et c'est là aussi où le bât blesse un petit peu, et on est à la frontière entre la géopolitique, le renseignement pur et la science collective. C'est cette enquête qui a été ouverte par l'OMS un peu tardivement, avec des autorités chinoises qui n'ouvraient pas toutes les portes. Olivier Lascar, c'est un fiasco. Là, c'est un fiasco. Voilà, ouais, l'enquête de l'OMS, c'est la catastrophe. Ouais. Les experts mandatés par l'OMS n'ont pas eu les coudées franches pour travailler. Ils avaient tous les représentants de l'autorité chinoise à leur basque. Mmh. Et c'est vrai que c'est de nature à charger la bête, quoi, ce genre de démarche. Hein. On peut pas en sortir avec aucune certitude et on acquiert avec ça encore plus de suspicion. Non, c'est vraiment un des épisodes les plus désagréables de cette épidémie. Et peut-être qu'on ne saura jamais, donc on peut aussi se rassurer en se disant que voilà, il y aura pas de réponse. Et ça, c'est Dominique Leglue le disait dans Science et Avenir, plus le temps passe, moins la réponse claire attendue n'arrivera. Cécile Lestienne, vous évoquiez quand même voilà les vertus potentielles d'un tel accident ou d'une telle survenue naturelle d'un virus. Si on reprend la question des accidents, vous évoquiez tout à l'heure Étienne de Crolly, le virologue français, qui lui a toujours gardé cette hypothèse de l'accident dans un coin de sa tête. Et il évoquait voilà une plus grande sécurité des laboratoires, avec notamment des outils comme des boîtes noires qui enregistreraient tout ce qui se passe dans le laboratoire pour justement ne pas être confronté à ce type d'accident. Est-ce que ça, c'est des outils qui peuvent être mis en place? Probablement. Enfin, de toute façon, il va falloir. Je ne sais pas si c'est rassurant, comme vous l'avez dit, de se dire qu'on ne saura jamais. Non. Mais bon, mais on peut garder en tête les deux hypothèses et travailler sur les deux hypothèses. Ça me semble pas, comme je le disais tout à l'heure, contradictoire et exclusif. Voilà, travailler sur le niveau de sécurité et pas que sur le niveau de sécurité des laboratoires. Ça, c'est très important. Mais aussi sur la formation des chercheurs au risque des recherches qu'ils peuvent mener. Toujours, je le répète, en tout cas de mon point de vue, pas pour brider la recherche, mais pour justement l'encadrer, la rendre plus efficace, voilà. Et puis de toute façon, continuer à réfléchir. Ça, on le sait bien, parce qu'on a bien d'autres raisons de réfléchir à la posture One Health, parce qu'effectivement, nous sommes sur une planète qui a quelques difficultés en ce moment, voilà, et que la bonne santé de la planète et du monde vivant en général est effectivement, de toute façon, un bienfait pour nous, de façon très égoïste. On va poursuivre dans un instant cette émission et puis on va ouvrir notre tour de table de l'actualité scientifique des revues et de l'actualité de la semaine. C'est dit, Walk Like an Egyptian par The Bangles dans la méthode scientifique sur France Culture. Transition musicale toute trouvée avec le sujet que vous nous apportez dans vos bagages d'Indiana Jones, Olivier Lascar. On part avec vous dans l'Égypte antique pour faire une autopsie d'un genre nouveau et puis d'un pharaon très ancien pour le coup, Amenhotep Ier. Qui était Amenhotep Ier ? Alors Amenhotep Ier, c'est l'un des représentants de la prestigieuse 18e dynastie, qui est celle dans laquelle on trouve les pharaons les plus iconiques, pour utiliser un mot qui est à la mode, dont Toutankhamon, évidemment. Et ce pharaon, il fait l'objet d'une expertise, d'une autopsie, a-t-on titré dans le numéro de Science et Avenir qui est actuellement en vente. C'est un papier de Sylvie Brier. C'est une autopsie numérique, c'est-à-dire que ce pharaon, cette momie, fait partie des rares qui n'aient pas été, on n'a pas enlevé les bandelettes, quoi. Ouais. Vous savez que quand les momies ont commencé à être un objet d'intérêt et de curiosité, notamment en Europe, elles ont subi les pires outrages. C'est-à-dire que les petites fêtes qui consistaient à avoir une momie chez soi et à les débandeler, c'était quelque chose de courant, enfin qui se pratiquait. La poudre de momie qui servait aux cosmétiques, aux médicaments, voire même à la peinture. Il y a des tubes de... C'est pas de la gouache, mais enfin, ça ressemble beaucoup à ça. Je sais pas si Marion Montaigne utilise de gouache, mais fabriqué avec de la poudre de momie, c'est quelque chose qui a été fait. Donc, avoir une momie qui est arrivée jusqu'à nous dans l'état où elle a été préparée à son époque, c'est extraordinaire, mais c'est pas vrai. Parce que, justement, elle arrive sous une forme qui est encore différente. Alors justement, parlons-en de cet état-là, de ce qu'on a pu voir avant cette réouverture de l'enquête par Sahar Salem, qui est professeur de radiologie à l'Université du Caire. Qu'est-ce qu'on savait sur la préparation de cette momie, sur l'équipement qui l'accompagnait? Alors effectivement, Antoine, Sahar Salem, c'est cette scientifique paléo-radiologue qui a expertisé le corps d'Amenhotep. Amenhotep n'était pas un inconnu du point de vue de la science, puisqu'il avait fait l'objet de plusieurs autres analyses dans le passé, parfois de façon relativement ancienne. Dans le papier de Sylvie Brier, il est question par exemple des travaux en 1932 par un professeur à l'école de médecine du Caire qui s'appelait Douglas Derry, qui avait passé le corps de la momie au rayon X, et ça avait permis par exemple de faire une première estimation de son âge. On lui avait donné entre 40 et 50 ans. Deuxième expertise, une trentaine d'années plus tard, en 67, à nouveau les rayons X, et là la momie... Coup de jeune, voilà, elle y gagne un bon petit paquet d'années, puisque on estime finalement que le pharaon serait mort à 25 ans. Et aujourd'hui, eh ben, c'est le yo-yo, il reprend une dizaine d'années, et le pharaon, d'après les travaux de cette scientifique égyptienne, il serait mort à 35 ans. Mais c'est pas la seule information. Sur quelle base on estime cet âge-là, et comment Sahar Salem a pu réévaluer cet âge-là? Je crois qu'il y a toute une histoire de longueur d'os. C'est en regardant certaines caractéristiques des os. Alors ce qu'on appelle en particulier la fermeture épiphysaire, c'est-à-dire c'est une sorte de ligne de démarcation qui va devenir significative à l'arrêt de la croissance des os. Et donc ça intervient à partir d'un certain âge. Et comme le squelette de la momie portait ce type de caractéristiques, on a pu lui donner un âge. Il y a aussi des observations qui sont faites sur la morphologie de l'articulation antérieure du bassin. Ces éléments ont permis de donner un âge à la momie. Ça a permis aussi d'évaluer la taille que devait faire le pharaon de son vivant. À l'intérieur de sa boîte mortuaire, le pharaon fait 1m61. En fait, les jambes sont fracturées, donc on imagine qu'il faisait plutôt 1m69. Le point le plus singulier quand même de cette autopsie numérique, puisqu'on l'a appelée comme ça, c'est la présence du cerveau, puisque... traditionnellement, dans les embaumements, les parties molles, telles que le cerveau, étaient enlevées. Les Égyptiens maîtrisaient parfaitement cela. C'était une forme de trépanation extrême, puisqu'il ne s'agissait pas simplement, comme c'est le cas dans la trépanation, de détacher une partie, la partie avant du cerveau du reste de l'encéphale. Là, il s'agissait vraiment de tout gratter, de tout enlever et de le remplacer par une autre substance. Là, c'est pas le cas. Amenhotep a gardé son cerveau. Alors, évidemment, avec le temps, il s'est rabougri, aux images qui sont publiées dans Science et Avenir, des images de scan. Alors c'est un scan un peu particulier, ça s'appelle le CT scan. Bon, c'est de l'imagerie électronique. C'est de la recomposition de multiples images très fines, c'est ça? Oui, il s'agit en fait de couper littéralement, numériquement, en tranches l'objet qui est analysé, là, en l'occurrence la momie, et après il faut reconstituer tout ça, et on a une image en trois dimensions autour de laquelle on peut tourner. Donc, ces images, elles montrent la présence du cerveau, donc ce qui est une surprise. Elles montrent aussi d'autres caractéristiques d'Amenhotep Ier, sa dentition parfaite, des boucles de cheveux, c'est toujours très émouvant de voir. Alors là, c'est peut-être encore plus émouvant que le corps de la momie est caché par son masque mortuaire, par les bandelettes, etc. Donc c'était littéralement invisible jusqu'à présent. Il y a un piercing sur une oreille. Donc on a l'impression de voir son visage tel que ça n'avait jamais été vu auparavant. On évoquait tout à l'heure le fait que de nombreuses momies de pharaons avaient été utilisées à des fins loin de la science, alors, et du coup elles avaient été fortement dégradées. Ce pharaon-là, il a quand même eu une histoire un peu mouvementée, je crois. Il n'est pas dans un état parfait, on va dire. Non, il a eu des péripéties post-mortem importante parce que pendant longtemps, sa dépouille a été cachée dans un site à proximité de Louxor, et parmi d'autres momies et parmi d'autres trésors égyptiens. Et ce lieu a été découvert à un moment donné par des habitants de la région, deux frères, qui ont pillé littéralement l'endroit, hein, et qui ont utilisé les trésors pour faire de la vente au marché noir, etc. Tout ça a été découvert au bout d'un certain moment, notamment par les équipes de Gaston Maspero, qui était directeur du service des antiquités égyptiennes à l'époque, ce qui a permis de protéger ce qui restait dans cette cache. Mm-hmm. Mais même la protection s'est faite d'une façon un peu aléatoire, puisqu'ils ont réagi un petit peu rapidement, ils n'ont pas pris de référence, on ne sait pas mmh. comment les objets, comment les dépouilles étaient entreposées, tout ça est revenu un petit peu pêle-mêle, mais en tout cas, le corps du pharaon Amenhotep Ier fait partie de ces objets qui ont été conservés, récupérés. Alors, la momie gardait encore son intégrité, par contre, comme elle avait été conservée dans ce lieu un petit peu ouvert aux quatre vents, elle avait subi beaucoup de, elle avait été très abîmée par les pilleurs, le nez avait été fracturé, des membres avaient été cassés, une main a été même détachée de son avant-bras, mais toutes ces manipulations post-mortem avaient été réparées, oui. Une première fois et même une seconde fois par des embaumeurs avaient par exemple recollé la tête du pharaon. Oui, il y a des explications assez techniques, hein, avec des bandelettes de lin trempées de résine. Il y a une technicité, on le sait, hein, les embaumements et la pratique des Égyptiens, c'est assez c'est merveilleux, quoi, la technicité atteinte. Et là, on explique un petit peu comment le corps avait été remis en forme. Enfin, on lui avait redonné une forme d'intégrité après avoir été abîmé à plusieurs reprises par ces pilleurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces traces, on les trouve, on les voit de façon assez précise avec ces fameuses analyses au CT scan. Un dernier mot, on verra, on connaîtra le visage d'Amenhotep Ier grâce à ces analyses au CT scan, ou est-ce que ça va être compliqué? Alors, après, il y a un travail un petit peu de reconstitution qui est peut-être un peu plus aléatoire, parce que comme... On n'est jamais loin de la vue d'artiste dans ce genre ça, de composition. On a un entretien avec Philippe Charlier dans cet article. Philippe Charlier, le médecin légiste et qui est directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly à Paris, et qui met bien le doigt sur le fait que il faut pas confondre l'art et le travail scientifique. Hein. Quand on fait de la reconstitution faciale comme ça, il peut y avoir une tentation assez rapide de vouloir donner une expression à ces visages dont on ne peut pas savoir ce qu'elles étaient réellement. En attendant, c'est quand même merveilleux d'avoir pu percer ce sarcophage sans l'abîmer. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Et on poursuit notre tour d'horizon de l'actualité scientifique avec une question tout à fait passionnante mise en lumière dans le magazine Pour la Science ce mois-ci, la question de l'apparition chez les premiers animaux des structures de production et de détection des sons, et par conséquent des premiers paysages sonores. Cécile, faites-nous rêver, à quoi ressemblait l'ambiance sonore dans les marigots, dans les marais, au pré-cambrien, au cambrien? Voilà. oui, c'est cette question du début du grand orchestre de la vie, effectivement, est-ce qu'on se pose pas souvent, et voilà, et c'est d'ailleurs pour cette raison que Michael Habib, qui est paléontologue au Muséum d'histoire naturelle de Los Angeles et qui a été aussi consultant pour différents films et jeux vidéo, voilà, a répondu à cette question. Alors, la Terre des origines n'était pas silencieuse, c'est pas le monde du silence, parce qu'il pouvait y avoir le bruit de la pluie, du vent, de l'orage, de tout ce que vous voulez, des cailloux qui roulent, voilà. Mais le monde du vivant, c'est encore une autre histoire. Si je dois donner quelques repères chronologiques, c'est toujours assez important. La vie est apparue sur Terre il y a à peu près 3,7 milliards d'années, voilà. Et pendant des très très très très longtemps, elle est restée totalement silencieuse. C'était des êtres unicellulaires, des microbes, si vous voulez, comme voilà, qui ne faisaient pas de bruit. Petit à petit, les premiers êtres pluricellulaires, vers 2 milliards d'années à peu près, voilà, ont peut-être émis quelques bruits parce qu'ils pouvaient peut-être bouger, ou des bruits de prédation, voilà. Et pendant très longtemps, ça n'est pas allé plus loin que ça, voilà. En fait, il n'y a pas eu d'explosion des bruits avant la fameuse cambrienne dont on a parlé hier à ce micro même. On y a consacré une heure, donc on va Voilà. Donc les auditeurs le savent, qui ont bien entendu écouter l'émission d'hier, voilà. Absolument. Mais je rappelle pour ceux qui auraient raté, voilà, que ça se passait entre 541 et 485 millions d'années. Voilà. Voilà. Mais c'était quand même cette explosion de vie, donc qu'on imagine assez mal aujourd'hui, puisque la plupart des représentants ont disparu, puisqu'il y a eu plusieurs extinctions depuis, voilà, étaient sous les eaux, dans la mer. Hein, donc voilà. Et quand est-ce que les sons qui peuvent plus ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui ont émergé? Donc c'est quand la vie est sortie et voilà, il a conquis le plancher des vaches. À l'époque où il n'y avait pas de vaches, mais voilà. Donc ce que l'on sait, ce qu'on peut dire, voilà, c'est que les insectes, par exemple, les premiers ont dû apparaître vers il y a 400 millions d'années, voilà. Et 50 millions d'années plus tard, il y avait déjà des libellules géantes d'envergure de 70 cm qui devaient déjà faire un bruit assez important. Un petit hélicoptère, quoi. Voilà. Donc voilà. Et il y a des études aussi qui montrent que vers 250 millions d'années, c'est ça, il y a des insectes qui ressemblent un peu à nos sauterelles, voilà, faisaient déjà de la stridulation. Vous savez, c'est le frottement des râpes qu'il y a sous les ailes, voilà, qui fait ce bruit caractéristique des sauterelles. Voilà, certains chercheurs d'ailleurs sont amusés à les reconstituer. À partir des fossiles. Alors ça, justement, on va vous faire entendre un petit son. C'est un grillon qui vivait à 165 millions d'années. Et par la magie de l'informatique, mais aussi de la compréhension de ces fossiles-là, on a pu entendre la voix d'un fossile qui vivait à 165 millions d'années. Tendez l'oreille, parce que c'est pas non plus hyper impressionnant. Voilà, Cécile. C'est pas non plus la plus belle nuit d'été qu'on ait vécu, mais c'est intéressant, c'est pas mal. Je pense que c'est le son d'Arca Boelius Musicus. Exactement. Voilà, dont on parle dans cet article, voilà, c'est quand même assez émouvant, non? Voilà. Ouais. Et les cigales aussi, enfin les ancêtres, pas les cigales, mais les ancêtres des cigales aussi existaient, voilà, et pouvaient faire ces bruits de cymbalisation, voilà, qui marchent un peu autrement, c'est la vibration d'une membrane, un peu comme le couvercle, cette vibration est générée par un muscle et des muscles et amplifiée par une caisse de résonance. Voilà. Alors, en fait, pourquoi sortir du monde du silence aussi? Parce que, alors, le bruit qu'on fait de façon fortuite, parce qu'on se déplace ou parce que l'on mange, mais émettre des sons ou entendre des sons, c'est déjà une autre histoire. Quel avantage, ouais. Hein, voilà. Ben, ça permet de communiquer à distance, ça permet d'entendre évidemment les prédateurs, ça permet peut-être d'attirer des proies parfois, et ou des partenaires évidemment sexuels. Donc on voit par là qu'en fait émettre des sons ou entendre des sons, c'est complexifier son rapport aux autres, et d'une certaine façon, c'est une question qui a un rapport. C'est un des moteurs de l'évolution. Donc en ça, ça dépasse la simple anecdote, comme ça peut paraître là, de ce grand orchestre du vivant. Alors si on va vers des animaux qui nous sont plus familiers, les vertébrés, voilà. Donc les amphibiens, les reptiles, les mammifères, les dinosaures, voilà, ont tous un larynx, voilà, et donc qui, on pense, est apparu il y a à peu près 300 millions d'années. On peut penser que 55 millions d'années après, on entendait déjà le coassement des grenouilles, le sifflement des serpents, le grognement des mammifères, tel qu'on peut se l'imaginer aujourd'hui. Alors le larynx est cartilagineux, donc il se conserve très mal. Donc peu de fossiles et peu de traces. Mais on a quand même certaines traces, et on a des traces notamment chez les mammifères de l'oreille interne, alors qui est très spécifique aux mammifères et qui montre que s'ils avaient une oreille, c'était bien pour entendre des sons. Alors justement, les dinosaures. Petite précision sur cette oreille des mammifères. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de distinguer dans la cacophonie, parce qu'il faut s'imaginer quand même le monde préhistorique comme une véritable cacophonie du vivant. Il y avait plein de bourdonnements, plein de choses comme ça. Et c'est une oreille qui est très spécialisée dans d'entendre les sons à une certaine haute fréquence, voilà, qui devait permettre pour eux de mieux distinguer leur proie. Voilà. Mais je sais que ce qui vous intéresse, Antoine, absolument, ce sont les dinosaures. Voilà. Mon esprit de grand enfant rêve de savoir si Spielberg dit vrai ou pas dans Jurassic Park sur ce cri mélangeant infrabasse et suraigu. Bien, depuis les années 80, évidemment, les chercheurs ont commencé à essayer de reconstituer les cris des dinosaures, notamment ce cri des dinosaures avec ces grandes crêtes osseuses là, comme le Parasaurolophus, voilà, qui faisait des bruits. C'est pour l'instrument à vent. On dit que ça devait ressembler à un didgeridoo, cet instrument utilisé par les aborigènes australiens. Voilà. Il y a une chercheuse du Texas, Julia Clark, de l'Université de Texas à Austin, voilà, qui a montré quand même que le son des dinosaures prédateurs était quand même plus proche de, plus du registre du cap des oiseaux. On sait bien que les oiseaux descendent des dinosaures. Sont des dinosaures, hein. La question était celle-là, est-ce que le Tyrannosaure Rex était une oie géante? On a du mal à imaginer ça, parce que évidemment nous, on s'attend à une sorte de rugissement plutôt de nos gros prédateurs carnivores, mammifères carnivores, tu vois ce qu'on entend, mais bon, ça devait probablement plus ressembler à une trompette très très basse, voilà, et très très très puissante, hein. On dit que ça pourrait être l'équivalent de tous les cuivres d'un orchestre philharmonique, donc ça s'entendrait quand, mais c'est pas comme un ours des cavernes, voilà. C'est un gros coin. Voilà. Et en revanche, les brachiosaures, vous savez, ces dinosaures à très très très long cou étaient peut-être presque aphones. Alors pourquoi? C'est parce que le larynx chez tous les vertébrés est contrôlé par un nerf, le nerf laryngé récurrent, et ce nerf est très long parce que il fait un aller-retour dans le cou. Voilà. Et donc, alors bon, si vous avez un cou court, ça va à peu près. Mais chez la girafe, par exemple, le nerf laryngé fait déjà 4,6 mètres de long. Hein. Donc, chez ces brachiosaures, ça pouvait peut-être atteindre 8 mètres, peut-être 12 mètres, ce qui les empêchait pas d'émettre des sons, mais en tout cas, pas de chanter la ritournelle, très probablement pas. Voilà, donc c'est pas ce qui peut-être les rendait un petit peu mutiques. Alors, on avance dans cette émission et on n'a pas assez de temps. Mais on renvoie, par contre, évidemment, nos auditeurs et nos auditeurs à cet article passionnant, parce que on y apprend aussi comment les oiseaux arrivent à vocaliser de façon aussi complexe, avec notamment la syrinx, qui est un organe qui permet de jouer de différents tons en même temps grâce à l'air. Le larynx est en haut de la trachée, voilà. La syrinx est en bas de la trachée, ça permet de jouer avec le poumon gauche, le poumon droit. On apprend plein de choses aussi sur l'écolocalisation, sur les questions de et le succès du coup des chauves-souris, on a beaucoup parlé de chauves-souris aujourd'hui, 20% des mammifères aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc ça, ce sera dans cet article, mais on va rester un petit peu dans le thème avec le dernier sujet du jour, puisqu'on va parler de T-Rex. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On finit ce tour de table avec vous, Marion Montaigne, et avec une question autour de ces T-Rex. Alors les T-Rex, on les a déjà ridiculisés un tout petit peu aujourd'hui en parlant de leur voix d'oie. Vous continuez, vous en rajoutez une couche en nous expliquant qu'ils sont des bras ridiculement courts. Et on se pose un peu la question à 1000 euros de connaître la raison et les causes évolutives de ces bras minuscules. Dites-nous tout et expliquez-nous un petit peu les hypothèses qui sont en présence autour de cette compréhension-là. Oui, alors il y en a régulièrement, il y en a des nouvelles et il y en a une encore plus récente, émise en avril de 2022 par un chercheur de l'Université de Californie. Alors pour ceux qui savent pas ce qu'est un T-Rex, c'est quand même une grosse bestiole de 13 mètres et pesant 5 tonnes, qui maintenant on sait crie comme une oie, avec des poils sortant, enfin plutôt des plumes ressemblant à du duvet, des poils entre les écailles au niveau de son cou et de son dos, et surtout avec des tout petits bras de 90 cm. Donc pour vous donner une idée, toute proportion gardée, c'est comme si un humain d'un mètre 80 avait des bras de 13 cm. Oui. Donc oui, donc, on peut pas très faire grand chose avec. Ouais. Vous pouvez même pas vous gratter. Donc quand on les avait découverts en 1900, les squelettes du T-Rex, Barnum Brown s'était dit mais c'est pas possible, ces bras-là correspondent pas au bon squelette, c'est trop minuscule. Et c'est son collègue Osborne qui a dit c'est peut-être des fermoirs pectoraux, c'est-à-dire des petits membres pour essayer d'agripper la femelle pendant la copulation, un peu comme certains requins et certains raies qui ont des fermoirs pelviens. Mais ça a été un peu mis de côté parce que notre chercheur, justement, qui émet les nouvelles hypothèses, dit bah non, bah, ce petit bras, il n'est même pas assez long pour accrocher un autre corps de T-Rex. Alors après, pendant plus d'un siècle, il y a eu plusieurs hypothèses que les bras du T-Rex permettaient des signes ou attiraient des partenaires. Bon. Quel signe il pouvait faire en agitant ses petits bras, si vous êtes dans une parade nuptiale, un peu ridicule, mais pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Ou qu'il aidait le T-Rex à se relever après une sieste. On a analysé les insertions de muscles, donc il devait faire une petite pompe pour se relever. Ou encore, d'autres ont soutenu qu'il permettait de maintenir une proie ou de poignarder des ennemis. Et d'autres encore ont dit que ça permettait de faire du cow-tipping sur le triceratops la nuit. Alors le cow-tipping, c'est le basculement de vache qu'on pratique pas mal en Angleterre. Enfin, c'est un peu une légende urbaine, comme quoi on peut pousser une vache et puis après elle roule. Enfin bref, ça lui aurait servi à faire du culbuto. Faire des petites blagues à ses camarades dinosaures. Voilà, les retourner sur le dos, les regarder paniquer, tout simplement. Et puis certains paléontologues se sont dit, bah ces bras ils ne servent à rien, donc on peut les oublier. Et là, Kevin Padian, donc paléontologue, prétend qu'une de ces hypothèses n'a été vérifiée. Il faut peut-être prendre la question dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'est-ce que cet avantage évite. Oui, parce qu'on rappelle que les prédécesseurs des tyrannosaures, les autres tyrannosauridés, avaient des bras plus longs. Donc, il y a quand même une évolution qui a été vers des bras plus courts. Et il faut pouvoir expliquer ça en termes d'avantages. Je vous cède la parole. Voilà. Et puis, ça tombe bien parce que depuis les 20 dernières années, on trouve des sites avec des restes de T-Rex adultes et juvéniles. Et ça se répète, c'est-à-dire que, bon, en trouver une fois, ça veut dire qu'ils n'ont eu pas de bol, ils sont morts ensemble. Mais quand on en voit plusieurs... ça fait sens. Et donc, on commence à dire, certains paléontologues pensent que le T-Rex chassait en meute. Or, je ne sais pas si vous avez déjà vu des varans se nourrir en meute. C'est assez violent. Les varans de Komodo, oui. Voilà. Ou même les crocodiles, on peut voir des vidéos sur YouTube où ils prennent n'importe quoi dans la bouche, ils peuvent arracher la patte d'un collègue. Mmh. Et donc, ils se blessent énormément. Et donc, vous imaginez une époque avec plusieurs monstres de 13 mètres qui sautent sur la même proie pour dévorer ensemble ce qui devait ressembler à la fin et de la ratatouille de Triceratops. Eh bien, Padian pense que c'est un avantage d'avoir des toutes petites pattes pour pas se faire blesser par ses congénères. Donc l'idée qu'il voudrait développer, c'est d'étudier dans les musées les blessures. On connaît très bien les blessures que provoque la mâchoire du tyrannosaure, qui est très particulière. Et il voudrait étudier si les faces des tyrannosaures, si elles ont plus de blessures que les membres supérieurs. Et il se dit que si on arrive à voir une amélioration au niveau des moins de blessures sur ces membres, ça veut dire que peut-être que c'est un avantage pour pas développer des septicémies, une hémorragie, parce que c'est ça que ça peut provoquer une blessure par morsure. Et donc, c'est une des nombreuses hypothèses. On ne sait pas s'il y en aura de nouvelles liées à des prochaines découvertes, parce que la science, c'est comme ça. On émet des hypothèses, on trouve d'autres choses, on les remet sur la table, donc à suivre. Le mystère des petits bras et de la voix de trompette des T-Rex ne sera pas résolu aujourd'hui, mais on va suivre cette enquête passionnante, évidemment. Un grand merci à tous les trois, Cécile Lestienne, Marion Montaigne, Olivier Lascar, de nous avoir accompagnés. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. À la technique aujourd'hui, c'était Hugo Renard. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.